des fonds à croire que t'en dis les voisins. Je voulais avec toi rester parce que t'es vraiment un grand coquin. Pourquoi tu es parti? J'y crois pas. T'as pris le bus qui passait par là sans dire au revoir. Oh, oh, sans dire au revoir. Oh, oh, mais qu'est-ce que tu crois que tu peux te foutre de moi? Et attention mon gars, sur la gâchette j'ai de toi. Alors que j'ai déjà pas mal d'agio sur mon compte bancaire, toi tu fais la belle avec la première venue. Elle est même pas belle. Oh non, non, non. Alors reviens s'il te plaît. Reviens ici, sinon je perdrai un drame. Oh, oh, reviens s'il te plaît. Reviens, reviens, reviens.